déjà le soir a fermé ses volets. Les hirondelles regagnent la forêt. Tout le village enfin s'est endormi. Mais moi je suis seul dans mon lit. Quand reviendra le jour, tu seras dans mes bras. Quand reviendra le jour, le soleil brillera. Nous voguerons d'amour vers des îles de joie. Quand reviendra le jour, tu me reviendras. La nuit s'étire et le vent s'est levé. Sur le silence, je trace mon passé. Les gens riaient ou plaignaient mon ennui. Mais tu es entré dans ma vie. Quand reviendra le jour, tu seras dans